tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Vivre sans mal finir, au moins faire semblant d'y croire. Je pourrais essayer de te faire rire, tu pourrais au moins le vouloir. Personne ne doit nous voir, mais je veux que les gens sachent. Je voudrais tellement arrêter de vouloir que sans cesse l'on se cache. Et à part te chanter que je t'aime, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Je crois encore qu'en écrivant un thème, je vais devenir plus fort et plus vrai. Pour te tenir dans mes bras, mon grand délice, bonheur inadéquat, je pourrais chanter tout, n'importe quoi, même juste pour que tu tiennes à moi. Demande-moi tout ce qu'il te plaira, demande-moi de devenir fort, de grandir, je mentirai, je ferai semblant, tu verras, tu me croiras, nous pourrons sourire. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. C'est vrai, ça fout la frousse, toi, la petite fille guerrière, prête à bouffer la terre entière, avec ses petites mains douces. Et moi, l'éternel insatisfait, qui voudrais juste voler tes baisers, s'envoler sur l'espoir inanimé que tu pourrais m'exiler. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies. Donne-moi tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu vois, tes mensonges, ta chaleur aussi, je veux partager nos vies.